بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في قصص من القرآن، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعض. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'évocation et l'étude d'histoires qui nous sont relatées et enseignées par notre Seigneur dans le noble Coran. Et dans les assises précédentes, on avait commencé à étudier des histoires qui nous sont relatées dans la sourate, la célèbre sourate, la caverne, Al-Kahf. Et donc on avait dit que les savants, lorsqu'ils nous enseignent et nous exhortent à méditer la sourate La Caverne, nous enseignent donc qu'après méditation de cette sourate, on pourra constater et remarquer qu'il y a quatre histoires qui nous sont relatées dans cette sourate. On a dit la première histoire, c'est l'histoire des gens de la caverne, comme cela on l'a étudié et relaté dans des assises précédentes. Ensuite, la deuxième, c'est l'histoire de celui qu'on nomme Sahibul Jannatayn, le propriétaire des deux jardins. Cette histoire, on l'a relatée, on l'a étudiée dans les deux assises précédentes. Ensuite, on a la célèbre histoire de Moussa et de cet homme qui s'appelait Al-Khidr. Et ensuite, on a l'histoire de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn, littéralement, qu'on pourrait traduire par l'homme aux deux cornes. Et donc, comme on peut le constater après méditation dans la sourate La Caverne, on peut constater que ces quatre histoires sont relatées dans la même sourate. Donc, on va passer à cette immense et merveilleuse histoire de Moussa et de cet homme qui se nommait Al-Khidr. Et vous allez voir qu'il y a de nombreux enseignements et de nombreuses leçons à tirer de cette histoire. Pour bien comprendre cette histoire, premièrement, ce qu'il faut savoir, comme il nous est relaté cela, et on verra à travers le hadith de Ubay ibn Ka'b, ce récit qui nous est rapporté d'après le prophète, sallam, et qui est même dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc le prophète, sallam, aussi a relaté cela, nous a enseigné des informations sur cette histoire entre Moussa et Al-Khidr. Et comme on peut le savoir aussi, donc il y a les versets dans la sourate La Caverne qui nous enseignent aussi, où Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet de cette histoire et de ce qui s'est produit à l'époque de Moussa et de Al-Khidr. Et donc, pour comprendre cette histoire commence alors qu'il est rapporté que Moussa alayhi salam, un jour, alors qu'il s'est adressé aux fils d'Israël, ce qu'on appelle Banu Israël, et que l'un d'entre eux l'interrogea sur l'homme le plus instruit. Alors Moussa, étant l'envoyé d'Allah, étant l'envoyé du Créateur, du Maître de l'univers, crut que lui était le plus instruit sur terre. Et donc il n'y avait pas sur terre plus instruit que lui, c'est-à-dire une personne ayant plus de savoir et plus de science que lui. Alors, on va comprendre ici que même si Moussa était un prophète et un messager d'Allah, mais ça ne voulait pas dire que sa science embrassait tout. Et celui dont la science embrasse tout, c'est-à-dire cette omniscience, c'est un attribut qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Seul. Et subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé en cela. La science qui cerne tout, celui dont sa science est éternelle et infinie, et dont elle cerne tout, Allah Jalla wa'ala, rien ne lui échappe. Il cerne tout de sa science. Ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on va voir à travers cette histoire immense de Al-Khidr et de Moussa, on verra que même si une personne parmi les moralités et les morales à tirer de cette histoire, même si une personne a atteint un haut niveau de savoir et de science, il y aura toujours au-dessus de lui quelqu'un qui détient un plus grand savoir que lui. Allah a voulu montrer à Moussa alayhi salam qu'il y avait parmi les fidèles serviteurs quelqu'un de mieux instruit que lui. Parmi les fidèles serviteurs d'Allah, bien sûr. Donc Allah a voulu montrer à Moussa alayhi salam qu'il y avait quelqu'un de plus instruit, de mieux instruit que lui. C'est pourquoi il lui donna l'ordre de se rendre à un lieu. À un lieu où il allait retrouver ce fidèle serviteur qui était savant. Qui était savant. Et comme c'est relaté et affirmé dans le récit de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b qui affirme avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Alors que Moussa se leva pour prononcer un discours devant justement les fils d'Israël, Banu Israël, ils lui demandèrent alors qui est le plus instruit des hommes, comme on l'a cité précédemment. » Donc là, cela, vous avez vu, c'est confirmé, c'est relaté dans ce hadith d'Ubay ibn Ka'b, c'est relaté directement par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Moussa répondit, moi, répondit-il. Et alors il est dit, Allah lui reprocha de ne pas se référer à lui. Ensuite Allah lui révéla qu'il y avait au confluent des deux mers quelqu'un de plus instruit que lui. Alors Moussa, comme il est relaté dans le hadith du prophète, Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, se mit en route pour se rendre au confluent des deux mers. Et cela dans le but de rencontrer ce fidèle. C'est-à-dire ce fidèle serviteur d'Allah, déclaré plus instruit que lui, plus instruit que Moussa alayhi salam. Et justement, les propos relatifs à la fixation du confluent des deux mers sont nombreux et aucun n'en est, valablement fondé. Et c'est pour ça que si on regarde, on observe dans les versets, Allah Jalla wa Ala nous dit et dit, rappelle-toi quand Moussa dit à son fatah qui était avec lui, je n'atterrai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dus marcher de longues années. Et regardez ça, avec ce verset commence justement l'histoire de la sourate La Caverne de Moussa. Lorsque Moussa, il قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. Lorsque Moussa dit au fata qui était avec lui en sa compagnie, et Allah nous dit, et il dit au prophète en salam, rappelle-toi quand Moussa dit au fata, je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, dus y mettre des années. Et ensuite, dans le verset suivant, une traduction du sens, mais lorsqu'ils eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui retrouvera librement son chemin vers la mer. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Comme il nous est dit dans le verset. Donc, l'érudit Sheikh Sa'di, dans l'explication de ces versets, il nous dit, Allah nous informe de son prophète Moussa alayhi salam, notamment de son désir ardent de chercher le bien et d'acquérir le savoir. Et que c'est dans ce sens qu'il dit au fata qui était avec lui, une sorte de valet, son domestique qui l'accompagnait dans ses voyages et ses séjours. Alors il lui dit, je ne m'arrêterai pas plutôt avant d'atteindre le confluent des deux mers. Donc on voit que Moussa, il voulait aller à la rencontre. Il voulait aller chercher ce savoir qu'il n'avait pas. Donc regardez, il dit, je ne m'arrêterai pas. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. Il dit, je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre le confluent des deux mers. C'est-à-dire, je poursuivrai mon voyage, si dur soit-il, et quelle que soit la fatigue que je vais subir jusqu'à mon arrivée au confluent des deux mers, endroit où, selon la révélation qui lui avait été faite. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit précédemment dans le récit de Ubay ibn Ka'b, c'est selon la révélation qui lui avait été faite à Moussa alayhi salam. Il trouverait là-bas un des fidèles serviteurs d'Allah qui est savant et qui détient un savoir que lui, Moussa, ne possède pas. Et c'est pour cela que Moussa dit, dussé-je marcher de longues années? Et regardez, tellement que Moussa voulait aller à la rencontre de cet homme pour aller chercher ce savoir que lui n'a pas, cette science qu'il ne possède pas, même si cela, il devait marcher, il dit, dussé-je marcher de longues années, il le ferait. C'est-à-dire une très longue distance. C'est pour dire que le grand désir de rencontrer l'autre qui inspira Moussa alayhi salam, et là, ces propos qu'il avait adressés justement à son domestique, ce discours-là reflète donc sa détermination. Ça reflétait sa détermination et ça explique pourquoi donc il s'exécuta. Et donc, Allah révéla à Moussa un signe lui permettant de reconnaître l'endroit où il allait retrouver ce fidèle, où il allait retrouver ce fidèle serviteur. C'est pour ça qu'on retrouve dans le hadith de Ubay ibn Ka'b, où cette histoire nous est relatée, on retrouve, ô maître, comment le retrouver? Ô maître, Moussa dit, ô maître, comment le retrouver? Alors il est dit dans le récit, tu prends un poisson et tu le mets dans un récipient. Puis au moment où tu le perdras, tu seras justement à l'endroit recherché. Alors il prit un poisson et le mit dans un récipient et partit en compagnie de son jeune domestique, souvent traduit par son valet. Et arrivé auprès d'un rocher, ils s'y appuyèrent, ou ils appuyèrent leur tête, le poisson se remua dans le récipient et s'échappa. Et de ce fait, il regagna la mer. Il prit alors librement son chemin dans la mer, comme cela est relaté dans le verset, lorsqu'il est dit, et, traduction approchée, il prit alors librement son chemin dans la mer, c'est-à-dire le poisson. Et donc, dans une autre version, on a dans le récit de Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, au bas du rocher se trouvait une source dénommée la vie. Son nom, son eau, l'eau de cette source, insufflait la vie à tout ce qu'elle touchait. Et une partie de cette eau éclaboussa le poisson et se mit à s'agiter, de sorte à échapper, à s'échapper du récipient et à retomber dans la mer. Donc, comme cela est relaté dans le récit. C'est à ce propos qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le verset, puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Ça, c'est le verset. Une traduction rapprochée du verset. Falamma balagha majma'a baynihima. Comme on l'a cité précédemment, le verset donc 61 de la sourate Al-Kahf. C'est le verset 61 dont le sens est, puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, c'est-à-dire Moussa et le jeune qui était avec lui, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Et pour cela, Ibn Kathir, Rahimahullah, l'érudit, dit, lorsqu'Allah Jalla nous dit qu'il prit alors librement son chemin dans la mer, selon Ibn Abbas, il était comme s'il se déplaçait sur la terre. Comme s'il se déplaçait sur la terre. Et Ibn Abbas dit, les traces de son passage ressemblaient à une pierre. Et il est rapporté aussi de Abdallah Ibn Abbas, Allah fit que le poisson ne traversa une parcelle de la mer sans qu'elle devînt aussi sèche qu'une pierre. Et ça, c'est donc extrait du tafsir de Ibn Kathir. Plus loin, on voit qu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne que lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, Moussa alors s'adressa au jeune qui était avec lui. Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Traduction du sens du verset. Et Allah nous dit ensuite, et quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Donc Allah nous relate à propos de Moussa et du jeune qui était avec lui. Et quand nous avons pris refuge auprès du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson, le diable seul m'a fait oublier de me rappeler, de le rappeler, et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Donc ça, c'est une traduction relative du sens du verset. Et Cheikh Saadi dit à propos de ce verset, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Dans le verset, lorsque Moussa alayhissalam dit, voilà ce que nous cherchions, puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Cheikh Saadi dit, voilà ce que nous cherchions, signifie, c'est ce que nous demandions. Et donc, ils retournèrent sur leurs pas. C'est-à-dire, ils rebroussèrent leur chemin et se mirent à repérer les traces pour retrouver l'endroit où ils avaient oublié le poisson, justement. Pourquoi? Parce que c'était le signe, justement, où ils trouveraient ce serviteur qui détenait un savoir que lui ne possédait pas. Alors, on lit, justement, toujours dans le hadith, le récit de Ubay ibn Ka'b, quand il se réveilla, son compagnon oublia de lui rappeler le poisson. Et donc, ils repartirent pour marcher, jour et nuit, jusqu'au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ensuite, c'est lorsqu'ils se réveillèrent, donc, que le compagnon oublia, son compagnon, de lui dire, de lui rappeler le poisson. Alors, c'est pour cela qu'ils repartirent pour chercher, pour marcher, jour et nuit, jusqu'au lendemain. C'est alors que Moussa dit aux jeunes, apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Alors, il dit, Moussa al-Salam ne ressentit la fatigue qu'après avoir dépassé l'endroit où Allah lui avait donné l'ordre de se rendre. Donc on peut constater là que Moussa, la fatigue qu'il va ressentir, c'est après qu'il ait dépassé l'endroit. Pourquoi? Parce que l'endroit où il avait l'ordre de se rendre de la part de son Seigneur, Moussa l'avait dépassé. Donc il a dépassé cet endroit. Et c'est à ce moment que son jeune qui était avec lui, lui dit, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Donc ça, c'est le verset. Donc il dit, le poisson laissa des traces et Moussa et son garçon en furent étonnés. Et c'est justement avec cela le fait que le poisson a laissé des traces. Alors Moussa dit, voilà ce que nous cherchions. Comme il est dit dans le verset. Alors, dans le tafsir, il est dit, puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces, et ils retournèrent sur leurs pas jusqu'à leur arrivée au rocher. Et ça, c'est comme c'est dit dans le hadith, comme c'est dit dans le récit. Et pour cela, As-Sa'di, dans son commentaire du verset, il dit, cela fait partie des signes. Justement, les exégètes disent qu'à leur arrivée à cet endroit, le poisson dont il avait fait ce poisson-là, hein, ce poisson-là, dont ils avaient fait leur viatique, fut mouillé par l'eau de mer et se glissa avec la permission d'Allah dans la mer et rejoignit ces animaux vivants. Et ça, c'est extrait du tafsir de As-Sa'di. C'est là que Moussa rencontra alors El-Khadr, El-Khadr. Il rencontra cet homme. Et il eut avec lui un dialogue au cours duquel Moussa sollicita de l'accompagner pour apprendre justement de ce savoir que lui ne possédait pas. Et ça va refléter la grande humilité et la modestie de Moussa. Parmi les enseignements qu'on tire ici à travers cette histoire, parmi ces enseignements-là, la modestie, l'humilité qu'avait Moussa. Regardez, pour apprendre ce savoir. Regardez cette détermination de Moussa al-Salam pour aller chercher un savoir que lui n'a pas. Et donc, lorsqu'il va rencontrer justement cet homme, ce serviteur d'Allah qui possédait ce savoir que lui n'avait pas, alors il va le solliciter, lui demander de l'accompagner. Lui demander de l'accompagner. Et comme il est dit, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Donc, comme c'est dit dans le texte. Et là, Moussa, donc, lui dit, puis-je te suivre? Regardez comme c'est relaté, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Concernant une bonne direction. Et l'autre lui dit alors, l'homme lui dit, Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sur des choses, patienterais-tu sur des choses dont tu n'embrasses pas, dont ta connaissance n'embrasse pas, dont tu n'as point de connaissance? Et là, Moussa lui répondit, lui dit, donc ça fait partie de leur dialogue, et si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai point à aucun de tes ordres. Si tu me vois, dit l'autre alors, si tu me suis, dit l'autre, je m'interroge sur rien, tu ne m'interroges sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Donc ensuite, Al-Khidr lui demande que si tu me suis, il dit à Moussa, tu ne m'interroges sur rien, tu me poses des questions sur rien tant que je n'en t'en aurai pas fait mention. Tant que je ne te ferai pas mention de cela. Ce qu'il faut savoir, comme disent les savants, Al-Khidr, c'est un être humain. Comme le dit Ibn Hajar dit que Al-Khidr, il y a une divergence à son propos. Aussi bien, alors il dit il y a une divergence au propos de son nom, du nom de son père, de sa généalogie, de son statut de prophète et de la durée de sa vie. Et de la durée de sa vie. Donc les savants ont divergé. Est-ce que c'était un prophète ou non? Premièrement, ils ont divergé donc au sujet de son statut. Aussi sur sa généalogie. Comme cela est mentionné dans le Fath al-Bari. Et c'est pour ça qu'on lit dans. Ensuite, pour continuer, on lit dans le récit de Ubay ibn Ka'b, dans le hadith, et on découvrit subitement un homme couvert. Moussa le salua. Moussa le salua et lui dit, qu'est-ce qui fait saluer de cette manière dans ta terre? Il lui répondit, je suis Moussa, alayhi salam. Alors, Moïse, il lui dit, l'homme, là c'est, on relate la rencontre qui nous est relatée dans le récit, entre Al-Khadr et Moussa, alayhi salam. Donc il lui dit, je suis Moussa. Alors, l'homme lui dit, Moussa des Banu Israël, il lui dit, oui, je suis venu vers toi pour que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Alors là, c'est là que l'homme lui dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi, ô Moussa. Je possède un savoir qu'Allah m'a donné et dont il t'a privé. Toi aussi, tu détiens un savoir qu'Allah t'a donné et dont il m'a privé. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le hadith. Et vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Si tu me suis, alors il lui dit, ne m'interroge pas, ne m'interroge sur rien, tant que je ne t'en ferai pas mention. Comme on a relaté cela et comme c'est relaté dans le verset. Et c'est à partir de là que va commencer l'étrange voyage, ce voyage qu'ils vont faire ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc justement, nous raconte trois événements qui plongèrent Moussa justement, dans la perplexité, au point où il ne put dissimuler, on va dire, son sentiment et se trouva incapable d'honorer son engagement auprès de Al-Khidr, auprès de cet homme, selon lequel il ne devait pas l'interroger. Que ce fût aussi long, il devait rester en sa compagnie et justement ne pas l'interroger. Et Allah Jalla wa Ala, donc nous relate cela dans les versets de la sourate Al-Kahf. Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Et Moussa lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu as fait cette brèche? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Alors l'homme lui répondit, l'autre lui répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Alors, il lui dit, ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, salam, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Alors, on peut lire aussi dans le noble hadith, dans le récit où il nous a relaté, alors ils se mirent à marcher sur la côte, puis un bateau passa. Ils leur demandèrent de les embarquer. Ils reconnurent là Al-Khidr. Et acceptèrent de les accueillir à bord. À la surprise de tout, Al-Khidr détacha une planchette du bateau à l'aide d'une machette. Moussa lui dit, tu vas provoquer le naufrage d'un bateau dont les propriétaires ont accepté de nous transporter gratuitement. Tu as vraiment commis un acte monstrueux. Alors là, c'est là que Al-Khidr, il est dit qu'il lui répondit, comme c'est relaté dans le verset, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Et là, Moussa lui dit, ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Alors Ka'b continue et dit, Ubay ibn Ka'b, il dit, le messager d'Allah, sallam, lors de la première fois, a dit, Moussa avait oublié. Et le rapporteur dit, un oiseau arriva et se posa sur un bord de la coque de l'embarcation et puisa avec son bec une goutte de l'eau de la mer. Et Al-Khidr, il est rapporté qu'il dit à Moussa, comme il est dit dans le verset, mon savoir et le tien sont par rapport au savoir d'Allah comme la goutte piquée par cet oiseau par rapport au reste de l'eau de la mer. Et donc dans la deuxième séquence, c'est dans la deuxième séquence qui nous est relatée dans la sourate qu'on voit qu'Allah Jalla wa Ala nous dit ensuite, puis ils repartirent tous deux et quand ils eurent rencontré un enfant, alors l'homme qui était avec Moussa al-Khidr le tua. Alors Moussa lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Il dit, ne t'ai-je pas dit, alors l'homme lui répondit, Al-Khidr dit à Moussa, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas garder patience en ma compagnie? Et si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, lui dit Moussa, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. On lit dans le même hadith, dans le récit d'Ubay ibn Ka'b, alors ils quittèrent l'embarcation et se mirent à marcher le long de la côte. Et Al-Khidr s'aperçut alors d'un gosse, d'un enfant qui jouait avec ses pères. Alors il se saisit de la tête du gamin et l'arracha. Alors Moussa lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Et l'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas patienter, garder patience en ma compagnie? Alors il dit, c'est plus grave que la première affaire. Et après cela, je ne t'interrogerai plus. Et là, Moussa lui dit, après cela, je ne t'interrogerai plus. Alors, si je t'interroge, ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Et la troisième séquence, qui nous est relatée dans la sourate, Allah Jalla nous dit, et ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité. Ensuite, ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. Alors l'homme, qui était avec Moussa, le redressa. Alors Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme à Moussa. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Et donc ça, c'est la traduction du sens du verset. On lit aussi dans le récit d'Ubay ibn Ka'b, dans le hadith, ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur demander l'hospitalité. Ensuite, ils trouvèrent un mur incliné, et Al-Khidr alla le redresser avec sa main. Et là, Moussa, alayhi salam, lui dit, tu devrais réclamer un salaire à ces gens qui n'ont voulu nous offrir de l'hospitalité, ni même pas nous donner à manger. Donc ces gens ne voulaient pas leur donner hospitalité, ils n'ont même pas voulu leur donner à manger. Donc Moussa alayhi salam lui a dit, tu auras pu, là, leur réclamer un salaire pour cela. Et là, l'homme, Al-Khidr, dit à Moussa, cela marque la séparation entre toi et moi. Et là, le messager d'Allah, sallam, dit dans le récit, comme il est rapporté, nous aurions souhaité que Moussa fît preuve de patience jusqu'à ce qu'Allah nous racontât leur information. Et donc, quant à l'explication maintenant des actes de Al-Khidr, comment Al-Khidr a pu faire ces choses-là? Comment il a pu faire cela? Au cours de justement ces épisodes qui nous sont relatés dans les versets du Coran, ensuite, lui-même, il va donner lui-même dans son discours adressé à Moussa, comme c'est relaté dans le Coran, il va lui raconter les causes et ce qui s'était passé.